Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Na salimia kila mmoja wenu jina Bwana Yesu Kristo. Le serviteur de Dieu Jérémie. Mtumishi wa Mungu Jérémie. Depuis Bunia et le pasteur Philippe. Tangia kule kubunia pamoja na pastori Filipo. Nous avons tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Walimi salimia bote mujina Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la recevoir la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Ouvrons nos Bibles en deuxième chronique au chapitre 19. Tutasoma Biblia mambo ya siku ya pili sura 19. Et nous prendrons aussi deuxième chronique au chapitre 20. Tutachukua tena mambo ya siku ya pili sura 12. À partir du verset 35. Kuanzia mstari wa 35. Prions. Tuombe. Éternel des armées. Wa milele Mungu wa majesi. Encore une fois ce soir, nous te disons merci. Mara tena mangaribi ya leo tunasema asante. Nous sommes ici pour écouter une portion de ta parole. Tulikuja hapa juu kusikiliza sehemu ya neno lako. Descends Père. Mshuke Baba. Et parle à chacun de nous. Na useme kwa kila mmoja wetu. Donne-nous la nourriture du jour. Utupatie chakula ya siku. Pour que nous ayons la force de marcher. Juu tupate nguvu ya kutembea nayo. Et de nous préparer pour ton retour. Na juu ya kujitayarisha kwa ajili ya kurudi kwako. En écoutant ces enseignements, ô Père, mkusikiliza hii mafundisho Baba, nous voulons y tirer de grandes leçons. Tunapenda tubebe mu mafundisho munene. Pour suivre l'exemple de ceux qui ont marché avec toi. Juu ya kufata mfano ya bale balitembea pamoja nawe. Et nous éloigner de tous ceux qui n'ont pas marché dans tes voies. Na kuepuka kwenda mbali na wale wote wakutembea njia yako. Nous pouvons parler. Tunaweza kusema. Mais la révélation et la compréhension viennent de toi. Lakini ufunuo na kuelewa inatoka ni kwako. Tu as dit que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ulisema ya kwamba taifa yako haitakuwa kamwe katika mvuruko. Viens Seigneur. Ukuje Bwana. Ôte toutes sortes de confusion en nous. Utondoshe mvuruko yote ndani yetu. Ou que le salut réel apparaisse en nous. Dieu wokovu ya kweli ionekane ndani yetu. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Et bénis l'étude ce soir. Na ubariki ibada ya magharibi ya leo. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tutasoma. Du début à la fin. Mwanzo na mwisho. Nous te recommandons ce service. Tunakuachia hii kazi. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amina. Deuxième chronique au chapitre 19. Mambo ya siku ya pili sura 19. Verset 1. Mstari ya kwanza. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Josaphat, mfalme wa Yuda, akarudi msalama mu nyumba yake ku Yerusalemu. Jehu, fils d'Anani, le prophète alla au devant de lui. Jehu, mwana wa Anani, Nabi akaenda mbele yake. Et il dit au roi Josaphat. Nakamwambia mfalme Josaphat. Doit-on secourir les méchants? Eti tunaweza kusaidia mtu mbaya? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Na eti wewe unapenda wale wanamchukia wa milele? À cause de cela. Kwa ajili ya ile. L'Éternel est irrité contre toi. Wa milele anakushirikia. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Alakini mulipatikana vitu vizuri ndani yako. Car tu as fait disparaître du pays les idoles. Kwani ulitosha muinchi masanamu. Et tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Na ulitoa moyo wako kumtafuta wa milele. Deuxième chronique au chapitre 20. Mambo ya siku ya pili sura 12. Dans son verset 35 et 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, akaungana pamoja na mfalme wa Israeli Akazia, dont la conduite était impie. Ule alikuwa na mwenendo mbaya wa uchafu. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Akaungana naye juu apate kujenga mamerekebu ile walitayarisha iende ku Tarsis. Et il fit des navires à Etjong Geber. Na wakafanya mamerekebu ya Etjong ku Quebec. Alors Eliezer, fils de Todava, na Eliezer mwana wa Davada, démarcha, wa démarcha, prophétisa contre Josaphat et dit, akamutabiri Josaphat na kumwambia, parce que tu t'es associé avec Akazia, sa vile unaungana na huyo Akazia, Dieu détruit ton œuvre, Mungu anaribu kazi yako, et les navires furent brisés. Na merekebu ilivunjika. Et ne purent aller à Tarsis. Na ikuende ku Tarsis. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Le roi Josaphat est un roi qui fait exceptionnel parmi tous les rois de Juda. Mfalme Josaphat ni mfalme ule alifanya chanisho katikati ya wafalme wote wa Yuda. Mais il a commis des erreurs comme un homme. Alakini alitenda makosa sawa mtu. Mais la grâce de Dieu ne lui a pas été ôtée. Alakini neema ya Mungu hapakumnyang'anya hiyo. Dieu a toujours été miséricordieux en sa faveur. Mungu aliendelea kumfanyia rehema. Dieu a été bon. Mungu alikuwa mwema. Parce qu'il avait toujours à cœur les soucis de marcher dans la voie du Seigneur. Mais pour ce qui concerne les fautes qu'il a commises, il en a payé le prix. C'est pourquoi hier nous avons dit que même si tu es un homme juste, lorsque vous commettez une faute, Dieu te châtiera pour ce que tu as fait. Mungu atakuapiza kwa ili, kwa ajili ya ile kosa. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Utavuna yenye ulipanda. Mais la grâce de Dieu ne peut pas t'éloigner de vous. Lakini neema ya Mungu haiwezi kukondoka. Aussi longtemps que dans les fins de votre cœur, il y a les soucis de chercher davantage l'Éternel. Wakati ile mfano wa moyo wako mko nia ya kumtafuta wa milele. Vous remarquerez après que l'homme de Dieu, que Dieu ait envoyé le prophète pour parler, pour reprendre à Josaphat. Mtaona kwamba kisha Mungu kumkemea Josaphat. Et lui dire que tu n'avais pas agi correctement. Na kumwambia sima ukutende sawa sawa. Josaphat n'a pas agi comme Asa. Josaphat a sikutende sawa Asa. Au contraire, il s'est humilié. Wakinyume alinyenyekeza. Il prit un voyage pour parcourir tout Juda. Alichukua safari kutembea Yuda mzima. Afin de détruire encore quelques idoles qui se trouvaient dans son royaume. Il a pas kuharibu tena masanamu yote ilikuwa mfalme. Et il continue à exhorter le peuple à chercher l'Éternel. Na aliendelea kudhibitisha watu wapate kuogopa wa milele. Et Dieu lui a fait voir sa grâce. Na Mungu alimuonesha neema yake. C'est ce que nous devons être en tant que chrétiens. Jo ile tunapashikua sawa wa Kristo. Il y a des choses que nous faisons comme des hommes. Huku vitu vile tunatenda sawa watu. Parce que nous sommes dans ce corps faible et nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais souvenez-vous toujours que Dieu est miséricordieux. Il fait du bien à ceux qui s'appuient sur lui. Mais Dieu n'a jamais apprécié les alliances qu'il a fait avec les méchants par la voie du mariage. Dieu n'a jamais apprécié son secours aux méchants. C'est pourquoi vous avez vu ici, quand le prophète est venu lui dire, il dit, comment toi, un homme juste, tu peux aller secourir des méchants? Et toi, tu aimes ceux qui haïssent l'Éternel? Voilà pourquoi Dieu est fâché contre toi. Vous voyez, nous devons prêter attention à ce que nous faisons. Et plus tard, après qu'Akab soit parti, Josaphat commet encore une autre erreur. Il va s'associer avec un NMP. Vous voyez, Akazia qui avait le mépris de la religion. Il avait le mépris de la véritable religion. C'est pourquoi nous vous avons dit hier, ne vous mêlez pas dans les affaires d'autrui. Regardez même comment la Bible dit. Paul enseigne et dit, n'imposez pas avec précipitation les mains sur les gens. De peur que vous ne participez à leur péché. Et Fobana me dit ceci. Lorsque Dieu a déjà mis une malédiction sur quelqu'un, si toi sans discernement, tu vas pour lui imposer les mains et chasser cette malédiction, bila kutambua kwa roho nenda kwa haraka na kuweka mikono yule ule mtu mwovu, tu auras toi des problèmes avec le Seigneur. Wewe utakuwa mambo na Bwana Mungu. Ne vous mêlez pas dans la conduite des gens. Usidingize kujiongoza kwa watu. Il y a certains malheurs qui arrivent aux gens à cause de leur péché et de leur désobéissance. Ole ingine nafikia watu kwa ajili ya dhambi zao na à cause de leur méchanceté. Kwa ajili ya bubaya bwabo. C'est pourquoi vous devez toujours avoir un discernement. Kwa maana inapaswa kila mara kuwa na kutambua si on est né de nouveau. Hakika kama ushazali et on a le Saint, on est baptisé du Saint-Esprit. On doit se laisser influencer par la conduite du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand vous avez des hésitations pour prier sur quelqu'un ou pour quelqu'un, vous avez des doutes dans votre cœur, il ne faut pas prier pour plaire à cet homme-là ou aux gens qui vous entourent. Non, il ne faut pas le faire. Parce que partout où il y a des doutes, cela signifie qu'il y a un péché. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Le pasteur peut venir chez toi. Un homme de Dieu peut venir chez toi. Mais il n'est pas conduit à prier sur vous. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas se lamenter. Vous voyez bien, mes frères. Ne vous mêlez pas dans la vie des gens. Est-ce que l'Église est avec moi? Il faut que vous soyez sûr que tel frère et telle sœur marche dans la crainte de Dieu. Il n'y a rien à lui reprocher. C'est un homme qui craint le Seigneur. C'est une femme qui craint le Seigneur. Tu as de la certitude dans ton cœur, dans ce que tu fais, que tu ne seras pas en opposition avec Dieu. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Apate kusikia kinye roho anasema kanisa. Et Dieu dit à Josaphat. Na Mungu akamwambia Josaphat. Comment toi tu prends l'argent? Na mna kaniwa unachukua fedha. Tu t'associes avec Akazia. Unaungana na huyo Akazia mwenye kwa mtu muovu. Il n'aime pas la religion juive. Kwanza yeye ashipende dini ya Wayuda. Il méprise Jehova. Anambeula Yehova. Il méprise la loi de Jehova. Anambeula sheria ya Yehova. Il méprise même le peuple d'Israël. Anambeula na taifa ya Israel. Comment toi un homme juif? Na mna kaniwa mtu wa uwaki. Tu prends ton argent. Unachukua fedha yako. Tu vas t'associer avec lui. Unaenda kuungana naye. Vous voyez? Unaona? Comme tu as fait cela. Vile unafanya vile. Et que tu n'as pas compris. Na ukuelewa. Moi Dieu, je vais détruire ton activité. C'est là où nous sommes arrêtés hier. Vous voyez bien mes frères. Nous vous disons clairement aussi ce soir. Quand vous voulez investir ton argent et vous voulez vous associer avec quelqu'un, soyez aussi sûr que celui avec qui tu veux t'associer est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui respecte les hommes de Dieu. C'est un homme qui respecte la parole, qui vit la parole de Dieu. Comment tu peux t'associer avec un méchant, avec un impie. Quand les dividendes arrivent, les dividendes, les bénéfices arrivent. Maintenant, il prend son argent. Il va maintenant le dépenser chez les prostituées. Il va boire. Il commet des folies. Pour louer Satan. Et toi, tu prends des dividendes. Vous utilisez votre dîme. Les offrandes. Les dons. Vous faites du bien pour l'avancement du royaume. Ce sont des choses totalement opposées. Voyez, la partie de ton argent, c'est Dieu. La partie de cet impie là, c'est Satan. Mais vous êtes avec moi. Il ne faut pas le faire. Voyez bien mes frères. C'est pourquoi Dieu dit, comme tu as fait cela avec un impie, quelqu'un qui méprise ma religion, moi j'ai décidé de détruire ton œuvre. Oui bien mes frères. Oui bien mes soeurs. Restez avec Dieu. Il te bénira dans ce que tu fais. C'est ça la promesse qu'il nous a donnée. Dieu a dit, si vous obéissez à ma voix, moi je vous bénirai en toutes choses. Cela est consigné dans Deutéronome au chapitre 28, c'est clair. Dieu bénira sa fille, Dieu bénira son fils, qui met en pratique sa parole et qui marche dans la crainte. Dans chaque activité qu'il fera, Dieu bénira cette activité. Ça ne dépend pas de l'argent que les gens peuvent vous donner, les gens qui peuvent s'associer à vous. Ça ne dépend pas de tout cet argent-là. L'argent et l'or appartient à Dieu. Même à partir de 5 000, à partir de 10 000, de 20 000, de 30 000, Dieu peut bénir cet argent et tu peux être un millionnaire. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est vrai, frère, soyons attentifs au pas que nous posons. Et suivez-moi encore une fois. Restez avec tes affaires dans les domaines dans lesquels Dieu te bénit. Sans convoiter le domaine de quelqu'un d'autre où il semble être béni. Seulement par cupidité, parce que vous pensez que dans son activité, il a plus de bénéfices que toi, que tes bénéfices. Si vous empruntez une autre activité, vous allez dans une autre activité, rien que par convoitise et par cupidité, parce que tu n'es pas satisfait de ce que tu fais, de la bénédiction que vous recevez de votre activité que vous faites, vous ne serez pas béni. Vous n'avez pas compris. Je reprends cela. Bakia, restez. Naile kaji unafuanyaka l'activité que tu as toujours fait, mule ambao Mungu eko nakubariki, dans laquelle Dieu te bénit. Ata bénéfice ko kiloko, même si les bénéfices semblent être moindres, restez dans cette activité. Ile kaji yako itaendelea, cette activité parce que ndio mule ambao jonji ya Mungu alipenda apate kukubariki, parce que c'est la voie par laquelle Dieu a voulu te bénir. Apana kuacha ile kaji uko natumika, faut pas abandonner l'activité que tu as. Juu ya tamaa na kupenda fedha, unapenda kufuatilisha nduku au dada fulani, eko nafuna na ye makaji yake mule uko unaona sema eko napata franga ya mimi. On n'a pas besoin de m'encourager. Plus de bénéfices que toi. Ah, où t'enda kupata mubaraka. Tu n'auras pas de bénéfices dans ce que tu fais. Mungu, ce n'est pas la voie. Chante, a dit, ouais, upate kubarikiwa. Dieu t'a montré pour que tu sois béni. Vous voyez bien, mes frères. Unaona ndo kumpenda. Est-ce que vous comprenez cela? Eti munaelewa? Si Dieu te bénit dans les champs. Kama Mungu anakubariki umashamba. Restez avec les champs. Ubakirie umashamba. Tumika mashamba yako mzuri avec tout ton cœur. Fais ton champ na moyo wako safi. Et vous verrez que hata bantu bengine bavune mzuri wewe utavuna bien. Même si les autres n'ont pas une bonne récolte. Parce que Dieu sait que c'est la voie de la bénédiction de mon fils ou de ma fille. Je Mungu anajua sema ni njia baraka ya mtoto wangu mwanamke. Si Dieu te bénit dans l'élevage. Kama Mungu anakubariki mubifuko. Reste avec l'élevage. Ubakie mubivuko. Voyez, ne cherchez pas à embrasser d'autres activités. Usitafute kufanya kazi nyingine. Toi tu as un petit capital dans lequel kidogo, Dieu a prouvé de te bénir. Ali, mais tu veux embrasser 4-5 activités. Tu ne comprends pas. Voyez bien mes frères. Mpe, si c'est dans la vente des unités, kama ni mkujisha tu mainite, reste avec la vente des unités. Wake mkujisha paka mainite, si vous êtes dans le, vous êtes un vendeur d'haricots, kama ukumuzishaji wa maharage, reste dans la vente d'haricots. Wake mkujisha tu maharage. Vous voyez, unaona, si vous vendez l'incombo, kama unauzisha des fripes, les histoires d'occasion, les vêtements d'occasion, kukombola, reste là dans cette activité. Kazi, si vous vendez les plastiques, kama unauzisha reste masache, avec les plastiques. Vous vendez la farine ou le maïs, vendez la farine ou le maïs, Dieu se bénira par là. Vous voyez, unaona, si vous vendez des services, unau, vous vendez des services, vous avez des services, reste avec ces services. Vous voyez bien mes frères, vous vendez les divers, reste avec les divers. Vous vendez les pagnes, reste avec les pagnes. Si vous vendez les biscuits, dans les biscuits là vous avez un bénéfice, restez là. Si tu vends les légumes, reste dans les légumes. Si vous vendez la braise, reste dans la braise. Vous voyez, vous vendez du ciment, reste dans le ciment. N'essayez pas de vous d'embrasser plusieurs choses à la fois que vous ne maîtrisez pas. Reste avec une activité que vous maîtrisez. Le Dieu du ciel qui est le Tout-Puissant, il te bénira à partir de cette activité que vous maîtrisez. Reste seulement fidèle à la parole. Priez le Seigneur. Ne sois pas cupide. Ne convoite pas le travail de quelqu'un d'autre. N'allez pas dans ce que quelqu'un d'autre faire, reste dans ce que Dieu t'a révélé à faire et Dieu te bénira. C'est vrai frère, c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas, mais si quelqu'un comprend cela, personne ne sera inquiet. Oui bien mes frères, nous pouvons vous donner beaucoup d'exemples. Des gens qui sont sortis du mien et Dieu les a bénis. Voyez bien mes frères, restez dans les domaines dans lesquels Dieu te bénit. Toi tu n'es pas un phare, tu n'as pas de centre. Tu vois, tu n'as pas de centre, tu as seulement l'argent, donc je vais faire un centre. Est-ce que tu as reçu la révélation que c'est dans ce centre, c'est dans le centre que tu seras bénie, ou tu le fais seulement par imitation? C'est pourquoi un homme correct, il fait comme Josaphat. Avant d'aller en guerre, il va d'abord consulter Dieu. Est-ce que ce que je vais faire ici, c'est ta volonté? Il prend un homme sage, un homme qui à Dieu, il prend Dieu à témoin dans tout ce qu'il fait. Il invite Dieu dans ce qu'il fait. Il veut que Dieu bénisse cette activité qu'il fait. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, c'est comme ça que nous devons agir. Restez un moment et dites, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ça? Priez aussi et consultez Dieu. Voyez, aujourd'hui tu ne vas pas consulter les prophètes parce qu'on n'en a pas, mais la Bible dit, ou le message dit, consultez votre pasteur même dans les moindres choses. Vous voyez, c'est ce que le message dit. Mais quand les gens ne comprennent pas ça, ils marchent à tâtons. Et et ils ne sont pas bénis. Na ababarikiwe. Il ne faut pas le faire. Mushifanye vile. Et il ne faut ni s'associer avec les méchants. Aiwe aipashi kuungana hata na mtu mbaya. Des impies. Watu baovu. Des rétrogrades, des apostats. Watu wenye kuacha imani. Des hypocrites. Banafiki wa masula mbili. Il ne faut pas le faire. Aipashi kuungana nabo. Je vais achever la pensée d'hier pour évoluer. Ta maliza wazo ya jana juu ya kuendelea. Nous nous sommes séparés au moment où je vous lisais l'invasion des États-Unis. Tulisimamia hapa ile wakati nilikuwa nasoma mahubiri bomolewa kwa Amerika. Dans son paragraphe 59. Nukta yake 59. Ce bana me disait sur Josaphat. Duku brana alikuwa anasema yule ya Josaphat. Or c'est Josaphat. Japo huyu Josaphat. Il s'est senti assez flatté. Alijiona kwamba wanampenda. De ce que le grand roi d'Israël avait dit, kwa ile mfalme wa Israël alisema, viens me rendre visite. Kuja unitembele. Alors, il est descendu là, basi alienda kule, et ils ont pris des bœufs et des brebis, ainsi de suite, walikula wa ngombe na wa mbuzi na vinginepo, et ils ont fait des sacrifices. Na walifanya na masadaka. Tout ce temps-là, au fond de son cœur, il est yote mupano wa moyo wake. Là, Akab, mule Akab, était un imposteur. Alikuwa mtu mwovu. Il était hypocrite. Alikuwa mnafiki. Il était séducteur. Alikuwa mtongozi. Il n'était pas sincère dans ce qu'il faisait. Asikuwa na moyo wa wake moyote alikuwa. Il penchait plus pour la religion de sa femme. Yeye alikuwa na wazo zaidi kwa ajili ya dini ya mke wake. Voyez comment le Saint-Esprit insiste. Unaona namna kani Roho Mtakatifu natia mkazo. Et comme nous avons déjà insisté là-dessus. Na vile tuisha tia mkazo pale. Ne vous associez jamais avec les impies. Mushungane kamwe na watu waovu. Dans son paragraphe 62 jusqu'à 68. Le prophète dit ceci. Alors Josaphat descendit là. Josaphat a renda kule. Il s'est dit, oh eh bien, ce grand roi d'Israël, je vais juste. Il n'y aura pas de problème. Je vais juste le visiter. Il n'y aura pas de problème. Et au beau milieu de tous ces grands tapes à l'œil. Katikati ya bile bikuwa naonekana kumacho. Qu'est-ce qu'il a fait? Ninini alifanya? Il a fait une alliance. Alifanya agano. Vous voyez, quand il partait, wakati alikuwa naenda, il ne pensait pas qu'il y aurait grand chose. Asikuwazia sima kutakuwa mambo munene. Il n'y a pas un problème. Akukuwe mambo. C'est mon frère. Ninduku yangu. Je dois manifester de l'amour envers lui. Napashi nimoneshe mapendo. Je ne dois pas être méchant. Je dois être en bon terme avec tout le monde. Napashi kuwa mtu mbaya. Napashi kuwa msalama na watu wote. Vous voulez être en bon terme avec le diable? Napenda kuwa msalama na shetani. Il ne sera jamais en bon terme avec toi. Hawezi kamwa kuwa msalama na wewe. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Le diable lui-même n'est même pas en bon terme avec Dieu. Shetani yeye mwenyewe kalaki msalama na Mungu. C'est lui qui est son créateur. Mungu ndio muumbaji wake. Terme avec toi son eti, fils. Atakuwa msalama na wewe mtoto wa Mungu. Lui pensait qu'il n'y avait pas un problème. Yeah, ce comportement ici, nous le trouvons parmi beaucoup de frères et sœurs. Beaucoup de gens tombent dans les péchés par légèreté. Oh, je vais les rendre visite. Il n'y a pas de problème. Je suis un chrétien affermi. Vous voyez, il ne fera rien. Il n'y a pas un problème. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance. Il s'est engagé à monter combattre l'ennemi à cause d'un point commun. Akajingiza mkwendo kombanisha adui kwa ajili tu ya nukta moja ile barisikilizana. Quel est ce point commun? Il est nous gagné. Il disait les deux rois. Walikuwa falme walikuwa nasema. Akab et Josaphat. Akab na Josaphat. Il se disait. Walikuwa nasema. Nous sommes le même peuple. Tuko taifa moja. Tous deux. Chibote bawiri. Vous voyez? Unaona? D'une manière charnelle. Unamna kimwili. C'est vrai. Ni vya kweli walikuwa banduku. Ils viennent tous. Bote wanatokea. D'Abraham. Wa Ibrahimu. Le royaume était uni. Ufalme ilikuwa ni moja tu yenye kuungana. Si Rehoboam n'avait pas fait des erreurs, lake, le royaume resterait un. Ufalme ilipashi kubakia moja tu. Quand il disait que nous sommes un seul peuple. C'était une partie de vérité. Mais c'était charnel. Pourquoi? C'était charnel. Pourquoi Dieu n'était plus dans cette vision-là? Vous voyez? Pourquoi? Parce que le royaume d'Israël était déjà scindé en deux. Une partie était attachée à Dieu, l'autre était idolâtre. Et ils ne pouvaient plus marcher ensemble. L'un avait l'esprit de Dieu, l'autre avait l'esprit apostat. Ils n'étaient plus un seul peuple. C'est là où on n'a pas compris. L'église est avec moi, mais il ne l'était pas. Frère Bana me dit, il ne l'était pas. Il n'était plus un seul peuple. Vous voyez, un groupe était rempli de l'esprit et l'autre groupe était tiède. Ils ne sont pas le même peuple, non monsieur. Les ténèbres ne peuvent avoir de la communion avec la lumière. La nuit ne peut pas exister en présence du soleil. Et le moment le plus perfide, c'est entre les deux. Quand le soleil se couche ou qu'il s'élève, c'est là le moment le plus perfide. La visibilité n'est pas assez bonne pour qu'on voit nettement. Vous voyez, les phares de votre voiture n'éclaireront pas bien nettement. Il est préférable soit qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour. Jésus-Christ a dit, soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid, mais pas tiède. Vraiment, ça c'est le terrain dangereux. Le terrain dangereux, c'est la tiédeur. Vous voyez? Donc Josaphat, quand il est descendu là-bas, alors une grande alliance a été faite. Ce qui n'a pas plu à Dieu. Vous voyez? Et remarquez, en plein au moment où il, avec toute cette excitation là, il est qui vous coûte yot varikuyanayo, toute la chaleur qu'ils avaient, parce que Josaphat était bien reçu. Josaphat a ripokele wa mzuri. Vous savez, dans les enclos de roi, il y a la danse, il y a la musique, il y a les gens qui boivent, il y a les gens qui mangent. C'était une très grande fête. Parce qu'Akab avait reçu un grand roi. Et lui avait des projets avec lui. Vous voyez? Et quand ils étaient là, lui-même Josaphat était tout excité. Il se sentait flatté dans son cœur. C'est au milieu de cette excitation-là, vous voyez, de cette confusion-là, un semblant de paix, un semblant de communion, vous voyez, un semblant de joie, lui se sentant flatté, l'autre excité pour flatter son frère. C'est dans cette ambiance-là qu'ils avaient signé une alliance. Agano. Voyez, unaona. Cette alliance agano, dont, pour laquelle Dieu n'était pas d'accord. Mungu kubali. Et ce qui a mené la colère de Dieu contre Josaphat. Ile kokota kasirani ya Mungu yule ya Josaphat. Vous voyez bien, mes frères, ce qui n'a pas plu à Dieu. Ile akumpendeze Mungu. Oh, je suis dans. Et Josaphat disait, Josaphat, je suis dans les bonnes grâces de ce roi. J'ai de la communion avec mon voisin. Vous voyez, unaona? Faites attention à ça, église. Vous voyez, c'est la cause de tous ces problèmes qu'il y a ici au tabernacle. Et ailleurs, vous voyez, faites attention à quoi vous vous mêlez. Vous voyez, prenez position, ou bien soyez pour Christ, ou bien soyez contre lui. Vous voyez, Or cet homme a fait cette alliance. Et il pensait avoir fait quelque chose de formidable. Et pourtant, quand il a dit, n'y aura-t-il pas là, avant de monter, nous devrons consulter l'Éternel à ce sujet? Josaphat avait encore assez de religion en lui. Malgré son erreur d'être descendu là-bas voir ce roi, mais il avait assez de la religion en lui pour se dire, eh bien, nous devons au moins consulter l'Éternel. Akab, lui, il continuait son chemin sans rien dire. Il n'avait pas le problème de consulter l'Éternel. Le problème de Jéhovah n'était pas. Il s'en foutait de Jéhovah. Il s'en foutait des prophètes de Jéhovah. Il s'en foutait de la loi de Jéhovah. Quand il ne va pas te dire ça, son père n'était pas là-bas. Son cœur était entièrement avec ces 400 prophètes qui étaient inspirés par un esprit du mensonge. Vous voyez, lui, Akab, il continuait son chemin sans rien dire. C'était tout simplement sa manière à lui. Machinable. Yakimwili. Vous voyez, essentiellement sensuel. Vous voyez, physique, humaine, de faire les choses. Un homme sans esprit, il est conduit d'une manière charnelle. Pour comprendre la parole de Dieu, vous correctement, vous devez avoir l'Esprit de Dieu sur vous. Aussi longtemps que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, votre compréhension est charnelle, vous comprendrez les Écritures selon vos propres circonstances. Regardez même quand deux personnes sont en difficulté, où l'homme et la femme sont en guerre. Vous verrez que chaque homme, la femme, Bibi, il comprend la parole de Dieu selon la circonstance. L'homme aussi comprend la parole de Dieu selon la circonstance pour se donner raison. Quand il lit la parole, il voit que la parole de Dieu lui donne raison. Il peut même se donner raison. Sinon la parole de Dieu me donne raison de taper ma femme. Non, neno la Mungu inampatia sheria ni mpike mke wake. Ashonemo kibaya. C'est pour la corriger. Nijua kumnyolosha. Voyez. Unaona. Parce qu'il a une compréhension charnelle. Jue kona kuelewa kwa kimwili. Kwa hiyo bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Kwa hiyo bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Et Akab ne pouvait pas comprendre la parole de Dieu correctement. Akab hakuwezi kuelewa neno la Mungu vizuri. Il n'avait pas l'esprit de Dieu sur lui. Kwani yeye asikuwa na roho ya Mungu. Il était habité par le mauvais esprit. Alishikwa na pepo mchafu. Lui, il marchait aisément dans les voies de la chair. Yeye alitembea mfuraha munjia ya mwili. Il écoutait ses propres pensées. Alikuwa anasikia mawazo yake mwenyewe. Il écoutait les faux prophètes qui étaient inspirés par Satan. Alikuwa anasikia wanabii wa bongo wale walishikwa na shetani. Il se plaignait du mensonge. Alifurahikia vya bongo. Oui, bien aimé frère. Dio ndo kumpeni. Voilà ce qui m'amène à me demander. Joile na nisukuma nijiulize. Si l'église. Kama kanisa. Si ce n'est pas comme ça. Kama haina hivi. Bien de fois. Mungu. Que nous avons fait des erreurs. Manake tunakotola. Pour résoudre la chose. Pour trouver solution au problème. Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous résolvons le problème? Vous voyez bien mes frères. Quelqu'un qui va dans une affaire sans réflexion. Akab ne pouvait pas lui s'arrêter et réfléchir. Voir son intention s'il était bon ou mauvais. Oui, bien mes frères et sœurs. C'est ce qui arrive souvent à beaucoup de gens. Écoutez l'église de Dieu vivant. Occupez-vous de la parole de Dieu en tout temps. et à tout moment et en toutes circonstances, vous aurez la faveur de Dieu. Ouais, bien mes frères. Mais quand les gens s'occupent de célébrités, vous voyez, des dignitaires, des gens qui l'estiment élevé, les gens qui l'estiment très honoré, quand les gens s'occupent des gens très honorés dans la chair, ils ne s'occupent pas de la parole de Dieu. L'église est avec moi. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Lorsque vous recevez un athée dans votre maison, vous recevez un directeur de chez dans votre maison, ou quelqu'un de plus important avec qui vous avez beaucoup d'estime, mais est-ce que vous allez voir le pauvre qui est à côté de vous? Est-ce que vous allez vous occuper de lui? Mais pour être sincère, non, vous allez d'abord vous occuper du grand bonheur que tu as reçu. Vous voyez, le pauvre là peut s'ennuyer et s'en aller. Maskini anaweza na kuchoka, nenda occupé, jua unahangaikia kwanza, a traiter avec honneur, mutende na heshima la célébrité, huyu mtu wa heshima, mtu mkubwa. Unaona, c'est comme ça que le Simon le a fait. Simon wa ukoma alifanya, il avait invité Jésus, alimwalika Yesu et tous les grands dignitaires de la ville, na watu wa heshima wa mji. Mais comme il s'occupait tellement de la célébrité, il a rangaïkia sana, batu ba heshima, batu ba kubwa, batu ba nene, baliwali, les commerçants, batu ba fanya biashara ba nene. Il ne pouvait pas voir Jésus. Hakuwezi kumuona Yesu. Il avait marché à pied. Ule alitembea migulu na vumbi. Dont ses robes étaient souillées. Ule kanzu yake ilikuwa na uchafu ya vumbi ya mjanga. Il a souillé. Quand il est entré, wakati aliingia, il n'avait même pas vu quand il est entré. Asikumuona hata kunye Yesu aliingililia. Et Jésus est allé occuper l'endroit. Yesu alienda kuikala pafazi. Il était le moins visible. Il est asipokonekana. Vous voyez. Unaona. Il est allé s'asseoir là-bas. Alienda kuikala pa ile kiti asipokonekana. Simon le lépreux l'a pas vu. Simon wa ukoma asikumuone Yesu. Et il ne pouvait pas le laver les mains. Na kuwezi hata kumnyosha miguu. Il ne pouvait pas le parfumer. Hakuwezi kumpaka manukato. Il l'a laissé là-bas. Alimwacha tu kule na buchafu. C'est ce que nous faisons. Ndio ile tu kunafanya. Souvent, quand nous nous occupons, kila mara wakati tunahangaikia, de nos pensées charnelles que nous pensons être célèbres, wakaikia mangaiko yetu mawazo yetu ya kimwili, na tu kunahangaikia vitu ya mwili. Nous négligeons Jésus avec les pieds sales. Sula Yesu na miguu ya et nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Na atufanye mapenzi ya Mungu hapana. Oui bien mes frères. Dio ndugu mpendwa. Oui bien mes frères. Dio dada mpendwa. C'est pourquoi faut banama dit quelque part. Je commande ndugu banama sema kwa sifa. Dans le message de l'orgueil. C'est dans l'orgueil. Na wase ni mo maubiri. Kiburi. Faut banama dit ceci. Ndugu banama alikuwa anasema hivi. Quelqu'un marche avec les orgueilleux. Wakati mtu anatembea na watu wa kiburi, il ne peut pas s'occuper de Christ. Hawezi kuangaikia Kristo. Et Jésus-Christ. Na Yesu Kristo. Lui-même se sent très mal à l'aise. Na Jonas mwana mzuri katikati ya watajiri et les dignitaires, na watu wa heshima mwene, et parmi les célébrités, katikati ya watu wakubwa, watu wa heshima. Comme je vous disais dans les jours passés, wakati nalikuwa na vous remarquerez quand l'église commence à devenir plus riche, utaona wakati kanisa inakuwa na tajirika, ça devient prospère. Les gens ne s'occupent plus de la parole. Watawatangaikia tena neno la Mungu. La parole. Watasula neno la Mungu. S'occuper de l'argent. Je kuangaikia fedha ile wanakuwa nayo. Les gens deviennent orgueilleux. Watu wanakuwa majivuno na kiburi. Ils ne considèrent pas l'humilité de Christ. Hawangalie tena unyenyekevu wa Kristo. Je kuangaikia Yesu. Oui bien mes frères. Dio ndo kumpenda. Oui bien mes sœurs. Dio dada mpendwa. Mais regardez. Lakini tazameni. Comment il était, comment même le roi Akab était occupé il était occupé à soigner Josaphat pour le tirer dans son camp afin de le tuer. Oui bien mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons veiller, nous devons marcher correctement, nous devons voir comment Dieu traite avec nous en toutes circonstances. ni Mungu anatumika nasi mu mambo yote. Oui, bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Ne vous associez jamais. Mushiungane kamwe. Avec des infidèles. Na watu wasipokuamini. Dans le message Élie et Élisée. Mujumbe mahubiri Elia na Elisha. Écoutez comment frère Branham dit. Musikie namna kani ndugu Branham anasema. Dans son paragraphe Munukta 27 et 23. Makumi mbiri na tatu. Jusque dans le paragraphe 24. Kufika na makumi mbiri na ine. Eh bien, c'est pas ça des écritures. Yandiko ya Biblia. C'était à l'époque où le roi Akab. Ilikuwa mwakati ile mfalme Akab. Qui avait été le roi d'Israël. Ule alikuwa mfalme wa Israel. Pendant longtemps était mort. Muda mrefu alikufa. Et que son fils lui avait succédé. Na mwana wake alimkomboa pafazi. Josaphat était roi de Juda. Josaphat yeye alikuwa mfalme wa Yuda. C'était un homme juste. Alikuwa mtu wa uwaki. Qui craignait Dieu. Ule alikuwa anamuogopa Mungu. Vous voyez. Munaona. Ainsi des nations étrangères étaient venues combattre contre Juda. Na hivi mataifa ya kigeni ilikuwa kumbanisha. Kumbanisha Israeli. Et le roi d'Israël est allé auprès du roi de Juda. Na mfalme lui demandait de faire une alliance avec lui. Mfalme wa Israël akaenda kumomba mfalme afin qu'il monte livrer bataille contre le roi qui venait contre eux. Il a fait une combinaison de falmo le roi qui combinaison. Quelle grave erreur, Josaphat. Kosa kani munene ile Josaphat. Et quelle grave erreur, Josaphat. Na ile ni kosa kani munene Josaphat. Cet homme juste. Huyu mtu wa uwaki. A commis à ce moment-là. Il a ritenda mwile wakati. Il s'est associé Ariunga à des incroyants. Na batu basipo kuamini. Et tout homme qui s'associe à un incroyant, vous voyez comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus. C'est Amos 3, verset 3. Disons un peu ça. C'est Amos 3, verset 3. Deux hommes ne peuvent jamais marcher ensemble sans s'être convenus. Non. Oui, bien mes frères. Amos 3:3. Des hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être concertés? Non. Avant que des hommes ne marchent ensemble, ils doivent d'abord parler ensemble. Ils doivent se convenir. C'est ce qui est arrivé. C'est pendant la fête que ces deux hommes se sont convenus. Ils ont fait l'alliance. Ils sont allés. Vous voyez bien mes frères. Lorsque vous faites alliance avec quelqu'un, soyez sûr que c'est un homme qui craint Dieu. Sinon, vous aurez toujours des ennuis. Ne vous associez jamais aux incroyants. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est 2 Corinthiens chapitre 6. Corinthiens chapitre 6. Lisons cette écriture. Ne vous associez jamais aux incroyants. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Commençons au verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6. Dans son verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous voyez, par cupidité, vous associez avec un méchant pour commencer à aller acheter les histoires à Dubaï. Si tu ne comprends absolument rien, vous voyez, vous ne devez pas vous mettre sous le même joug. Non. car Kwani, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Kaniku katikati ya buzalimu na uwaki. Où y a-t-il encore entre la lumière et les ténèbres? Eti kuku, quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? Kaniku katikati ya Christ où na quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Wala ni sehemu kani kwa na maminifu pamoja na mabutu wa sehemu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ni mapatano kaniku katikati ya hekalu ya Mungu na matanamu. Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Wani sisi tu kwa hekalu ya Mungu wa liyani. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai votre père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, si toi tu es le temple de Dieu, vous voyez, tu es soumis à la volonté de Dieu, tu as la crainte de Dieu en toi, tu fais la volonté de Dieu, vous voyez, Dieu sera votre père. Et quand Dieu est votre père, toi tu es son fils ou sa fille, comme je l'ai souvent dit, chaque parent de voir son fils heureux. Si Dieu est votre père, il veut te voir heureux. Il veut te voir dans le bonheur. C'est pourquoi, appuie-toi sur lui, il te bénira. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ce matin, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Asubuhi ya leo nilikuwa nasema na mtumishi wa Mungu mmoja, fazi mwa fulani. Il a été humilié longtemps. Ali fezere cha muda mrefu. Un groupe de gens s'est élevé dans l'église pour le combattre. Kundi ya watu ililamka mkanisa juu ya kumkombanisha. Mais c'est un homme qui craint le Seigneur. Alakini ni mtu ule anamwogopa Mungu. Il minimisait tout. Ye alikuwa na beula tu ile yote asima hapana mambo. Et il mettait tout sur le compte de Christ. Il mettait tout sur le compte de Christ. Ah, aliweka yote mungambo ya Kristo. Tous les coups qu'il recevait. Ile yote ya chini chini alikuwa anapokea. Il mettait sur le compte de Christ. Alikuwa anaiweka ni mungambo ya Kristo. Mais Dieu a commencé lui-même à s'occuper de lui. Mungu yeye mwenyewe alianza kumhangaikia. Il a servi longtemps le Seigneur. Ari mtumikia Mungu. Il était locataire. Alikuwa washi kwa nyumba. Il marchait à pied. Alikuwa anatembea kwa miguu. Mais quand Dieu a commencé à s'occuper de lui, wakati Mungu alianza kumhangaikia. Au moment où lui-même n'y pensait même pas. Wakati yeye mwenyewe hakuwazie. Dieu nous bénira à son temps. Mungu atatubariki mu wakati yake. Nous continuons à servir Dieu, Mungu, avant qu'il nous prenne de cette terre, avant qu'il nous enlève de cette terre, sa dunia, bénédiction yake, sera sur nous. Itakuwa yulu yetu. Et tout le monde saura que cette bénédiction vient de Dieu, parce kwa Mungu, que cet homme et mutu, cette femme a été serviteur ou servante de l'Éternel. Barukwaba, tumishi ya Mungu na bichakazi ya Bwamelele. Oh, et Dieu confondra tous les ennemis. Mungu atafurusha wadui wote. Servez Dieu. Utumikie Mungu. Bila mafaida. Comme Job. Job n'a jamais servi Dieu. Job ayatumikia kama Mungu. Pour qu'il ait beaucoup d'argent. Pour qu'il ait la santé. Pour qu'il ait beaucoup d'enfants. Pour qu'il ait une meilleure femme. Akuwe na bibi mzuri. Hapana. Il servait Dieu par amour. Sans intérêt. Bila mafaida. Et Dieu s'est occupé de lui. Mungu alimhangaikia. Vous voyez? Dieu s'est occupé de lui. Mungu alimhangaikia. La fin de Job a été plus glorieux que son commencement. Parce que Dieu le bénit au double. Il restitua même ce qu'il avait perdu. Oui, bien-aimé frère. Servons Dieu d'une manière désintéressée. Servons Dieu par amour. Soyons soumis à la parole. Ne faisons pas des alliances avec les méchants, avec les rétrogrades. Même si tout le monde abandonne la parole, parce que la parole de Dieu dit, les gens ne peuvent plus supporter la parole. Comme l'Écriture dit, dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous sommes dans un temps où les gens ne supportent pas la vérité. Les gens ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Les gens ne supportent pas qu'on leur donne des conseils de vérité. Les gens ne supportent pas qu'on les conduise dans la vérité. Les gens veulent entendre des choses qui les plaisent. Des flatteries. Quand les gens abandonnent la parole pour se plonger dans la mondanité, restez avec Dieu. Restez avec la parole. La bénédiction viendra à son temps. Si elle tarde, attends. Si tu vois un autre béni, toi attends dans la foi, ton jour viendra et tu béniras l'Éternel. Si aujourd'hui tu es malade, n'aie pas de problème. Dieu connaît le temps de ta guérison. Quand le temps de ta guérison viendra, tu t'en réjouiras. Parce que la guérison est un don de Dieu. Vois bien mes frères, tout ce que ton cœur a souhaité avoir, tout ce que ton cœur a souhaité vivre. Quand la bénédiction de Dieu viendra, parce que tu as été trouvé fidèle, le Seigneur va t'essuyer maintenant les larmes. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. On ne sert pas Dieu en vain. Mais ne faites pas de compromis. Restez avec la parole. Restez avec Dieu en tout temps. Oui bien mes frères. Ne vous mêlez pas dans les affaires floues. Ne vous mêlez pas dans les affaires avec des gens doubles. Des hypocrites. Ne vous mêlez pas dans les affaires avec des gens qui vivent dans le péché. Ne vous associez pas avec eux. Ne soyez pas, n'allez pas à leur secours. Restez avec Dieu. Que les gens se moquent de toi. Mais demain, ils viendront s'agenouiller devant toi. Notre Dieu est puissant pour tourner le cœur de tout homme vers celui qui craint l'Éternel. Frère, Dieu n'a pas d'autres gens avec lesquels il peut œuvrer si ce n'est pas toi et moi. Il nous attend que nous soyons entièrement soumis à sa parole. Il veut que sa volonté se révèle en nous. Dieu ne peut pas nous utiliser pleinement, parfaitement, avant que notre obéissance ne soit totale à sa parole. Oui, bien mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons demain. Soyez avec Dieu. Écoutez ce que le Saint-Esprit vous enseigne. Si vous suivez ce que le Saint-Esprit vous enseigne, vous irez au ciel. Vous aurez la bénédiction de l'Éternel. Et sur la terre, et spirituellement, et physiquement, Dieu te bénira. C'est vrai frère. Éloignez-vous de tout ce qui est faux. Éloignez-vous des apostats. Éloignez-vous des rétrogrades. Éloignez-vous des incroyants. Ne faites jamais les affaires avec les païens. Non frère. Même si ton grand frère est un païen, il ne faut pas faire les affaires avec lui. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Même si ta soeur est une païenne, ne fait pas des affaires avec lui. Ne vous associez pas avec elle. Vous aurez des ennuis. Quand vous voyez un frère qui ne marche pas correctement dans l'église, le Saint-Esprit ne dit pas faites des associations avec les frères de l'église. Non. Faites des associations avec un frère ou une sœur qui craint l'Éternel. Pas un frère de l'église. Tu peux faire une alliance avec un frère de l'église. Ou une sœur de l'église. Tu n'as pas que ça, mon mokanis. Tu veux faire une alliance avec une sœur, un frère. cupide. On commence à mettre des palabres dans l'église. Voyez bien mes frères, deux frères, deux sœurs, qui se combattent pour l'argent. Voyez bien mes frères, c'est faux. Il ne peut pas être ainsi. Voyez bien mes frères, voyez bien mes sœurs, tu veux t'associer avec un frère ou avec une sœur dans l'église. Soyez sûr que c'est un chrétien. Vous vous associez à faire les champs. Vous travaillez. Au temps de la récolte, il y a maintenant des problèmes. Pendant que les maïs sont encore verts, l'autre va maintenant y prendre un peu, un sac, deux sacs. Et à la fin, il va avoir la part égale. Bon. Thank you.